le signe du loup. Où sont les dirigeants, les premiers de cordée? Que font les possédants dans leur luxe vautré, sauf à ne proposer des dons démesurés qu'en absolution d'appétit débridé? Que n'ont-ils partagé les richesses acquises, alors qu'on retendit d'innombrables clameurs, entendues en tout temps de ceux que le malheur accable sans répit, affame et brutalise? Servir ou se servir? Aider ou asservir? Nous sommes tous des loups assoiffés de pouvoir, mais dévoués aussi devant le désespoir. Entre ces deux tendances, donc, il nous faut choisir, car si le canidé, quand il est enragé, se repaît de la chair des humains innocents, c'est la déesse louve, de son lait nourrissant, qui sauve les enfants d'une vie ravagée. De puissance et d'argent, beaucoup sont trop avides, qui, tels de fous chacals, contentent leurs désirs en soumettant autrui à leur constant délire. Sages et vertueux devront être nos guides.